ici, ici, bande de putains. On finit en beauté, c'est le 9-1. Vous méritez même pas un couplet. FK, enlève tes lunettes et montre-leur. Bienvenue au canal où le roi perd sa couronne. 080, je t'invite à Courcouronne. Si t'es de la PNC, Evry 91 000. Entrez aux épinettes, tu peux ressortir d'une balle dans le bide. Le coq est dans son chantier. Préparez déjà les dentiers. La place est rouge de sang, tu peux appeler les pompiers. Sont déjà pas là l'appel d'une voiture brûlant dans les parkings. Encore un bras de fer dans les bois sauvages, les bris. Pyramide, Tarteret, je vous présente les pires ennemis. La première guerre des gangs a amené l'épidémie. Et mon conseil serait de te dire t'aventure pas au nacelle. À Corbeil le plus souvent, trop des marches mais sans les lacets. Grigny DGC, viens faire un tour dans les grands blocs. Appelle les médias, flic est mort à la grande bande. Cette bordel du méridien, des radars à la balance, hein. 350 gangsta anti-flic, anti-balance, les bras ballants. Je te présente les boys de Sainte-Geneviève, Pergo Saint-Hubert, s'il y a embrouille. Tous les jeunes viennent cagoulés, armés, prêt à commettre un meurtre, toujours là, représente même sur les terrains neutres. Bois des Roches, Saint-Michel, la fontaine de l'or. Il est déjà trop tard si tu veux remettre de l'ordre. Le sang coule de partout, viens à Bretigny sa cartouche. LFCH, Ibella ou Flip, toutes les patrouilles. Si t'as pas de couilles, t'aventures pas trop auprès de Saint-Martin. Détends pas Guinette, tu peux finir d'une balle dans la tempe comme aux Ulysses. Des bergères à la Donnière, du Tza au LOS. Manzas, bienvenue à Los Angeles. France, Massy, viens faire un tour à Zola. Joue pas trop la vilaine, sinon t'es plombé par mes zonas. Banlieue Zard, mon jumeau Chili de Mazarin. Savigny, Granvaux, sur le joint, toujours serein. Draveil, Vigne, la Croix-Blanche, toujours viril. Juvisy, une station après, t'es à Viry. Deux stations plus tard, t'atterris à Ris-Orangis. Je réunis tous nos tchécars, Terminus, Fleury, Mérogis. Détroit, F4-10, Mons à la Bicrave. Parcelle de l'abattoir pour des braqueurs à la Vicrave. Dealer de crack, cryptage, dans les halls à Boussy. Là où ça pète sévère contre les contrôles, sont abusifs, c'est au fusil. Que ça se règle à Épinay sous Sénat. De Bruno à Montgeron, en t'enculera M6, c'était lâche. Hexagonal, mon réseau. FK, n'oublie pas les autres. De même, Simon, son raisin jusqu'au thèse. De Palaiso, n'ai-je pas raison. FK, plus de classe. MC et Sonia, banlieue Zard, Hardcore et la prod que je laisse au mien. Banlieue Sud, Paname, boum comme un 11. Écoute le son Hold Up du 80-91. Voilà FK, remets tes lunettes, c'est Alka. La crème du 9-1, c'est comme ça qu'on fonctionne, bande de putains. Pour tout le 9-1, Brunois, Evry, Grigny, Corbeil, les Ulysses, Ris-Orangis, Lys, Morangis, Atis, Mons, Juvisy, Viry, Balancourt, Mency, c'est comme ça qu'on fonctionne. On arrive en force, on va vous envahir. Bande de suceuses, les prochains projets. Vous vous faire saigner du cul, vont vous faire saigner du pu. ALKPOTE, l'empereur, la ténébreuse unité de feu. Jeune drogué armé, dangereux, le cauchemar parisien suceur.